Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le folklore nous plaît car il nous plonge dans un passé lointain avec ses traditions transmises de génération en génération. Il nous plaît aussi car il a beaucoup inspiré les artistes. Le folklore est porteur de gestes merveilleux et de foisonnantes formes de création. Pourtant, il n'y a pas si longtemps que nous parlons de folklore, puisque le mot est inventé en 1846, venu de l'anglais évidemment. On y trouve le peuple, folk et les traditions, l'or, les traditions du peuple. Mais devenu un tantinet péjoratif, ah quel folklore, le mot avait un peu disparu. Il était ethnographie ou art et tradition populaire. L'art populaire pourtant est essentiel à notre univers culturel, à notre manière d'envisager le monde, un monde riche de sa pluralité de cultures. Le folklore a une histoire et le regard porté sur ses créations populaires a lui aussi une histoire. Alors régalons-nous, le folklore revient en force. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous partons à la rencontre de ces grandes figures du monde de la culture qui sont confinées dans leur musée. James Tissot à Orsay, Raphaël à Chantilly, et puis le peintre Jean-Marie Delaperche à Orléans. Et aujourd'hui, nous allons parler du folklore au Centre Pompidou de Metz. Nous allons en parler avec vous, Jean-Marie Gallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de l'art, responsable du pôle programmation du Centre Pompidou Metz et vous nous proposez une exposition sur le folklore. Une exposition qui, évidemment, a souffert, elle aussi, du confinement. Elle devait s'ouvrir au moment où le confinement a été déclaré. C'est en kiki, non ? Exactement, elle aurait dû ouvrir ses portes le 20 mars dernier. Le musée a fermé le 13 mars au soir, donc à une semaine de cette ouverture, toutes les œuvres étaient bien en place, quasiment, il en manquait deux. Toutes ces œuvres sont restées bien sagement confinées dans le noir et attendent encore, à l'heure où on se parle, la réouverture prochaine du musée à ses visiteurs. Voilà, et en attendant, nous en parlons sur France Culture, des émissions à réécouter sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast, la balado-diffusion des émissions que vous pouvez commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Jean-Marie Gallet, ce mot folklore est un mot complexe au sens où il est porteur d'une pluralité de sens. Il doit être difficile pour un commissaire d'exposition de mettre en place les limites de son objet d'étude. Qu'est-ce que le folklore ? Comment peut-on définir le folklore ? Ou en tout cas, comment l'avez-vous défini pour votre exposition ? Alors justement, le folklore n'est pas définissable. Je pense que je vais vous décevoir en répondant cela, mais depuis la création du mot, on a essayé de le définir et personne n'y est parvenu. Et pour cette exposition, donc nous sommes deux commissaires, avec Marie-Charlotte Calafat, qui est conservatrice au MUCEM, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, qui est donc à Marseille l'héritier de ce qui s'appelait auparavant le Musée national des arts et traditions populaires. Nous avons regardé dans la bibliothèque, le centre de documentation de ce musée, dont les origines remontent même au musée d'ethnographie du Trocadéro, on est en 1878, et depuis lors, un centre de documentation amasse des ouvrages qui veulent tous, à différentes époques, dans différents contextes, définir, circonscrire le folklore, et on s'est rendu compte que personne n'y arrivait. À peu près tous les ans ou tous les deux ans, il y a une nouvelle définition qui est apportée par un scientifique, et ce folklore échappe à toute définition. Aussi, il échappe à toute définition parce que c'est quelque chose de l'ordre du vivant, quelque chose qui évolue. Ce qu'on peut lui trouver peut-être comme dénominateur commun, c'est évidemment un mode de vie, un mode de pensée qui se différencie d'une culture dominante, quelque chose qui ne s'apprend pas à l'école, qui échappe à tout apprentissage scolaire, qui serait justement plutôt transmis de génération en génération, qui serait de l'ordre du collectif aussi, qui serait de l'ordre de l'immatériel, quelque chose qui ne s'incarne pas nécessairement dans un objet. Les objets ne sont que des traces, des témoins de ce mode de vie et de ce mode de pensée. Ce qui est certain, Jean-Marie Gallet, c'est que le mot folklore est difficile à définir, mais il apparaît à un moment. Il apparaît en 1846, il est inventé, donc je le rappelais en début d'émission, folk, le peuple, l'or, les traditions. Quand un mot apparaît, c'est que cela reflète une préoccupation du moment. Pourquoi, au milieu du 19e siècle, il y a cet intérêt pour le folklore ? Alors ça, on pourrait même remonter un peu plus loin, puisque en 1789, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, apparaît la notion de souveraineté nationale. Et à partir de ce moment-là, ce mot « peuple » va tout d'un coup devenir beaucoup plus intéressant, on va moins le mettre de côté, et des gens qui font partie d'une certaine élite vont commencer à s'y intéresser, et ces traditions, alors l'or en anglais, c'est quelque chose aussi assez difficile à définir, mais c'est l'ensemble des savoirs. Alors on a souvent dit tradition effectivement, mais dans cette idée de l'ensemble des savoirs, il y a l'idée de vestige, de quelque chose qu'il va falloir aller documenter, préserver. Pourquoi ? Eh bien puisqu'on a le sentiment à ce moment-là que c'est là qu'on va trouver les racines de cet État-nation qui est en train de se former. Et alors les années 1870 en Europe sont un moment d'explosion de l'intérêt pour le folklore, puisque c'est le moment où les États-nations se déterminent. C'est Anne Marie Thiès qui parle de la création des identités nationales à ce moment-là. Et dans ces identités nationales, le folklore, c'est-à-dire des costumes, des coutumes, des danses, des musiques, des croyances, des superstitions, des manières de s'habiller, de vivre et de penser, vont être considérées comme des monuments. Alors le mot de monument, d'ailleurs, est assez intéressant. Le mot de vestige aussi, puisque c'est le moment aussi du romantisme. On va chercher une sorte d'antithèse à la culture classique, une culture nordique, une culture beaucoup plus liée au nord qu'à la Méditerranée et qu'à la culture classique gréco-romaine. Jean-Marie Gallet, vous évoquez l'historienne Anne-Marie Thiès, évidemment, elle qui livre une très très belle analyse dans le catalogue de l'exposition Folklore. Oui, il y a quelque chose de politique, non pas au sens de construit, en tout cas pas au début par les autorités, mais quelque chose qui transcende un peuple, une nation avec le folklore. Si le folklore est une préoccupation, alors qui naît à la fin du XVIIIe siècle et qui se développe au XIXe siècle, c'est bien en relation avec une identité nationale. Absolument, et cependant, on va très vite s'apercevoir qu'il a fallu tricher un peu. Il a fallu très souvent aller vers le factice, aller vers la simplification, des sortes d'exagération aussi, et c'est là où on arrive dans cette impossibilité de la définition précise du folklore. On est face à beaucoup de faux folklore dès le 19e, c'est-à-dire dès la création même du mot, puisque ces savants, donc qu'on appelle à l'époque les folkloristes, qui vont aller avec beaucoup de poésie et d'empirisme collecter des choses sous forme de sociétés savantes, ils vont ensuite les partager, donc collecter des usages, des contes, des costumes. On s'aperçoit que assez vite ils les falsifient un peu parce qu'il faut exagérer le ton. Il y a quelque chose aussi, ce qu'on pourrait appeler, alors avec toutes les précautions d'usage, une sorte d'exotisme de l'intérieur. On va chercher un autre, mais qui est proche de nous, qui n'est pas pour lequel il n'est pas nécessaire de voyager, comme l'ethnographie. D'ailleurs, les disciplines apparaissent à peu près en même temps. Il y a l'ethnographie pour le monde extra-occidental, et il faut bien trouver un nom pour cette enquête sur ces cultures différentes de la culture dominante, mais en Europe. Et donc, le mot folklore arrive, la discipline folklore arrive à ce moment-là. C'est l'une des particularités de ce mot. Il définit à la fois un objet, le folklore, on a tous dans l'imaginaire collectif, on imagine des danses, des costumes, de la musique, et c'est aussi une discipline. Le folklore, c'est l'étude de cet objet. Dans ce lien d'ailleurs étonnant entre le folklore et l'ethnographie, il y a le personnage de Kandinsky, on l'oublie, mais c'est vrai que Kandinsky a commencé sa carrière comme ethnologue. Alors voilà, tout l'enjeu de cette exposition pour nous, ça a été de réfléchir à ce qui relie ces deux sphères, celle du folklore d'un côté et celle de l'avant-garde de l'autre. Et en apparence, tout oppose ces deux domaines, puisque on a d'un côté le folklore qui est du côté de quelque chose de l'ordre du passé, de la tradition, de l'autre côté quelque chose qui veut faire table rase du passé, l'avant-garde. La modernité est très centrée autour de l'objet. Le folklore, lui, va être beaucoup plus dans l'immatériel, cette idée de tradition, de croyance, de superstition, de coutume, qui échappe à l'objet d'une certaine manière, même s'il y a des costumes, il y a des instruments, etc. Et puis, ces oppositions, on peut les continuer comme ça assez longtemps, la transmission de père en fils, contre la rupture avec le père, l'objet contre l'immatériel, et puis également le collectif contre l'individuel, c'est-à-dire que le folklore est plutôt du domaine de quelque chose qui n'est pas signé, hein, qui appartient à une communauté tout entière. On ne sait pas qui a inventé précisément telle ou telle tradition, c'est plutôt un groupe, tandis que l'avant-garde, la modernité, va porter en héros l'artiste dans la suite du génie romantique, hein, de l'artiste isolé, inventant seul dans son atelier et signant ses créations. Et si on passe outre ces premières oppositions, qui sont des oppositions de surface, hein, apparentes, on découvre effectivement qu'énormément d'artistes, parmi les plus à l'avant-garde, les pionniers de l'abstraction que sont Kandinsky en peinture par exemple, ou Brancusi, Constantin Brancusi en sculpture, on pourrait en citer beaucoup d'autres, Malevitch, etc. Dans ces avant-gardes européennes du début du XXe siècle, on se rend compte qu'en fait ce lien au folklore est très présent chez eux. Et il a été finalement peu étudié, peu montré. On a vu pas mal d'expositions et de livres fabuleux sur les liens entre, par exemple, l'art africain et l'art océanien et la modernité, mais très peu sur le folklore, comment le folklore a pu influencer des artistes. Et l'exemple de Kandinsky est effectivement assez frappant, puisque Kandinsky a une première carrière d'ethnographe. Enfin, il étudie le droit et on l'envoie dans une mission ethnographique en Vologda, une province au nord de Moscou, où il va étudier les commis, qui sont une population vivant dans des maisons peintes en bois, et il va faire une étude sur ces populations, et il va revenir totalement transformé par ce voyage. Et en 1907, il crée ce qu'il appelle la poésie sans parole, un ensemble de gravures figuratives, donc on est avant l'abstraction, dans lesquelles il va complètement se nourrir de cette expérience, et il écrira dans ses mémoires que c'est véritablement à travers cette expérience de mission ethnographique qu'il va forger son art, qui est donc l'art le plus à l'avant-garde, hein, puisqu'il passera à l'abstraction quelques années plus tard. Jean-Marie Gallet, le folklore comme source d'inspiration, comme réflexion sur ce qu'est l'art, est quelque chose de prégnant, hein, dans cette relation entre les artistes et le folklore. Je vous propose d'écouter l'extrait d'un article, hein, publié dans Beaux-Arts. C'était en juin 1941 par Charles Etienne, une lecture par Olivier Martineau, où l'on apprend le regard que portait Paul Sérusier sur le folklore, allez, sur l'art de la Bretagne. Au cœur de la Bretagne, dans ce cadre austère et magnifique de l'art coate, pays de bois et de montagnes, la vieille pénéplaine celtique déroule sous un ciel gris mais lumineux sa tapisserie de tons sourds, où éclate au printemps la fanfare des genêts. Là, Châteauneuf-du-Fou, et sème ses maisons le long d'une route au-dessous de la vallée. Et d'une croupe dénudée surplombant le grandiose méandre encaissé de l'Aune, on aperçoit un vaste paysage de forêts et de landes, aux larges ondulations, où les arbres du bocage, tels les kobolds chers à Sérusier, encadrent les champs arides de leurs rondes majestueuses. C'est là que Paul Sérusier vint se fixer définitivement vers 1910, pour se concentrer, se dépouiller, et mûrir une œuvre, sinon méconnue, du moins fort mal connue. De la simple maison de pierre décorée par le maître, Madame Paul Sérusier, avec un soin aussi pieux que clairvoyant, a fait un admirable musée. Et on y découvre véritablement un peintre qui pourrait bien être un des grands maîtres de l'avant-guerre. Olivier Martineau qui nous lisait un article de Charles Estienne sur Paul Sérusier en 1941 à propos de ce rapport de l'artiste à une forme d'art populaire, en l'occurrence c'est la Bretagne. Il y a quelque chose que je voudrais comprendre avec vous, Jean-Marie Gallet. Le folklore intéresse les artistes, mais de plusieurs manières. Donc il y a un folklore qui intéresse les artistes romantiques, il y a une volonté de s'opposer à l'art dominant, et puis il y a une recherche vraiment de sources d'inspiration. Donc là, on est dans ce cas avec Sérusier. Sérusier est fasciné par ce qu'il voit et il s'en inspire. Oui, Paul Sérusier va très tôt partir en Bretagne. Alors la Bretagne, à ce moment-là, et notamment le petit village de Pont-Aven, est déjà très connu dans la communauté artistique. Des artistes, notamment américains, s'y sont installés à la fin du 19e siècle, attirés par cette Bretagne qu'on juge encore très sauvage. Et ce sont les mots de Gauguin, d'ailleurs, qui ira avec Sérusier. Gauguin dit « J'aime la Bretagne, j'y trouve le sauvage, le primitif. » Et il ajoute une phrase qui est merveilleuse. Il dit cette phrase merveilleuse, il dit « Lorsque mes sabots résonnent sur le sol de granit, j'entends le ton sourd et mat que je cherche en peinture. » Et il y a cette idée pour Sérusier, comme pour Gauguin et d'autres, et notamment tout le mouvement qu'on appelle les nabis, les prophètes, de trouver en Bretagne quelque chose de très enfoui profondément, une sorte de racine de l'art qui aurait été annihilée par l'industrialisation de la société ailleurs, mais qu'on trouve encore un peu intacte dans les coutumes, dans les costumes, mais aussi dans les paysages. C'est d'ailleurs un syncrétisme total que décrit Charles Estienne dans cet article. Sérusier se fond à la fois dans le paysage et dans les traditions qu'il observe en Bretagne, et au-delà de ça, il va à un moment même mélanger des rituels bretons à des choses de l'ordre de la Perse, la Mésopotamie. Il y a cette idée vraiment de toucher à une origine de la civilisation, ce qui rejoint aussi d'ailleurs la préoccupation des folkloristes, donc ces pseudo-savants, disons des ethnographes avant l'heure, mais qui n'ont pas encore de méthode, qui sont très nombreux en Bretagne évidemment, pour aller aussi enquêter sur toutes ces superstitions, ces croyances, ces coutumes. Et ils parlent de survivances archaïques, c'est le terme que l'on emploie à l'époque. Ces survivances archaïques qui d'ailleurs nous ramènent à la proximité entre le folklore comme discipline et l'archéologie, c'est-à-dire qu'on est en train de regarder des vestiges en regardant la vie d'un petit village en Bretagne. Avec Gauguin ou avec Sérusier, nous sommes dans une certaine démarche artistique. Pour dire simplement, on pourrait parler d'avant-garde, bien sûr, mais le folklore est intéressant, cela qu'il est aussi récupéré par une forme d'art dominant. Le folklore gagne du terrain. On va trouver dans les salons ces grandes manifestations artistiques où on expose les œuvres des artistes alors déjà confirmés ou en devenir. Ben, on va trouver un regard importé sur tout ce qui est folklorique. C'est un goût aussi général dès le 19e siècle, le goût du folklore. Absolument, et il y a un endroit particulier où se retrouve ce goût du folklore comme ce goût des artistes et de cet art dit dominant, ce sont les grandes expositions universelles. Et dans les expositions universelles, on a des pavillons qui, jusqu'à celle de 1937 hein, à Paris, on va juxtaposer les créations les plus à l'avant-garde et, par exemple, le pavillon roumain expose un chef-d'œuvre de l'art paysan qui est dans l'exposition à Metz, d'ailleurs, puisque c'est une porte de ferme roumaine de la région de l'Olteanie qui est offerte à la France par la Roumanie après cette exposition universelle. Et nous l'exposons dans une salle consacrée au sculpteur roumain Constantin Brancusi, qui lui aussi fait le pont avec Paris, qui lui aussi est invité à cette exposition universelle de 1937, qui finalement décidera de ne pas y exposer, bon, pour d'autres raisons, mais il y a cette idée que se côtoient dans ces grandes manifestations à la fois le folklore et l'avant-garde. L'autre domaine, ce sont les spectacles, notamment les ballets russes, les ballets suédois, où là aussi on a l'avant-garde de la création, toutes disciplines confondues, hein, Stravinsky, Nijinsky, donc toutes ces grandes figures de la musique, de la danse, et puis Roriz qui fait les décors du Sacre du Printemps par exemple, se retrouve, et le Sacre du Printemps, ce n'est rien d'autre que des traditions païennes de la Russie, là aussi, qui sortent tout droit du folklore. Donc ce que l'on a un peu oublié, c'est que le folklore était omniprésent pendant les trois premières décennies du XXe siècle. Il est dans tous les discours, mais aussi dans le milieu artistique, intellectuel de l'avant-garde. En 1942, dans Les yeux d'Elsa, Louis Aragon écrit « On nous scie les pieds avec le folklore ces temps-ci. Le folklore est devenu une certitude pour un tas de gens qui se sont jetés là-dedans comme dans les ballets russes en 1912. » Et cette phrase dit beaucoup de quelque chose que finalement l'histoire de l'art a un peu occulté, puisqu'avec le temps, elle n'a conservé que cette partie très avant-gardiste. Et on parle de toutes les révolutions des artistes du XXe en se disant qu'il n'y a plus rien à voir avec le folklore. Or, à l'époque, c'est totalement lié. Le folklore est partout dans les actualités, dans j'allais dire dans la rue presque, hein, puisqu'il y a les spectacles à Paris, etc. Oui, il y a une vraie volonté de retrouver en fait les racines, les sources de la création. Et vous avez raison d'insister sur l'importance de la musique, Jean-Marie Gallet. C'est quelque chose qui est très fort et partout en Europe. Manuel de Falla avec Federico Garcia Lorca en Espagne vont rechercher des chansons populaires. Et puis évidemment en Europe centrale, on va avoir avec Dvorak, avec Bartok aussi, une recherche de sons que l'on dirait folkloriques. Oh non, pas du tout, parce que ce sont des danses hongroises de Bartok. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Dites-nous, Jean-Marie Gallet, cette démarche des artistes, des musiciens, d'aller rechercher des sonorités qui semblaient présentes, mais qui n'étaient pas vraiment encore écoutées ou qui n'étaient pas considérées à leur juste valeur. Voilà une vraie démarche d'artiste liée au folklore. Absolument, ça a donné lieu à l'ethnomusicologie ensuite, mais à ce moment-là, c'est vraiment l'idée de puiser dans le folklore cette sorte de répertoire, de vivier de formes gigantesques, que ce soit des formes effectivement musicales, mais aussi, on peut penser à la mode. La haute couture va très tôt regarder dans le costume traditionnel, le costume paysan de diverses régions européennes pour se renouveler. Cette idée de sortir des sentiers battus aussi, pour aller casser l'académisme, casser les conventions. Et effectivement, c'est valable dans tous les domaines. La musique est peut-être l'un des plus connus avec la littérature. Et là, on peut remonter des siècles au siècle précédent. On pourrait les faire remonter jusqu'à l'Antiquité. D'ailleurs, les folkloristes se réclament souvent de l'Antiquité. Pour eux, ils sont les successeurs d'un Pausanias, par exemple. Il y a cette idée d'être les suiveurs de ces grandes figures qui ont sauvegardé et qui ont permis à la littérature et à tous ces domaines artistiques de se renouveler en puisant vers le passé. Jean-Marie Gallet, vous nous avez dit que le folklore est difficile à définir, même qu'il n'est pas définissable, il y a des traits communs. Nous entendons bien qu'il y a, et nous le savons, une histoire du folklore, en tout cas du regard porté sur le folklore qui évolue. Et puis, surtout, mais il y a une pluralité de formes, c'est un vivier de formes. D'ailleurs, c'est le titre d'une des sections de votre exposition au Centre Pompidou-Metz. Comment aborder le folklore face à un tel foisonnement? Parce que quand nous regardons tous ces objets produits de manière populaire, je ne sais même pas comment le dire, on se dit mais on n'y arrivera jamais, c'est absolument énorme. Donc là, il faut en fait tirer des traits communs, jouer sur les comparaisons. Comment avez-vous procédé pour cette exposition ? Alors, avec la co-commissaire Marie-Charlotte Calafa, on a vite été confronté à ce problème, effectivement, et on s'est dit, travaillons par étude de cas. On sait en regardant eh bien dans les divers ouvrages, expositions, etc., on sent qu'il y a un lien fort entre Kandinsky et le folklore, entre Brancusi et le folklore, entre Serrusier et le folklore breton. Et finalement, nous avons ouvert des études de cas pour chaque artiste en essayant de comprendre de quelle manière le domaine artistique se reliait au domaine du folklore. Et on en est arrivé finalement à la conclusion que la meilleure manière de l'approcher était de l'approcher par touche, ce sujet. Donc chaque section est une touche en quelque sorte qui aborde une modalité d'un rapport entre l'art et le folklore. Donc par exemple, cette idée de la quête des origines est évidemment l'une des premières idées. Mais il y a aussi tout un répertoire plus polémique, c'est-à-dire que le folklore est très tôt réutilisé par les idéologies notamment, et les artistes vont aussi se mettre en contestation, en lutte, voire en regard critique, y compris aujourd'hui encore, hein, par rapport à ces usages du folklore, et à ces mésusages, on pourrait dire, du folklore. Et ça, c'est assez passionnant de voir comment des artistes contemporains suisses, par exemple, traitent aujourd'hui de cette folklorisation de leur pays, de ces attractions touristiques qui sont devenues une économie majeure, d'ailleurs, de certaines régions, de certains pays. C'est un autre aspect, évidemment, important. Mais également, on s'est rendu compte aussi, et ça, c'est tout à fait passionnant, qu'au-delà de l'objet folklore, la discipline folklore a aussi été d'un grand attrait pour les artistes, notamment après la Seconde Guerre mondiale. L'anthropologie, si on veut employer ce mot au sens plus large, l'anthropologie et l'art sont finalement deux disciplines assez jalouses l'une de l'autre. Des anthropologues sont très tentés par la liberté de l'artiste, parfois par rapport à leur sujet, leur terrain d'enquête et d'étude. Et les artistes, notamment après cette Seconde Guerre mondiale, il y a cette idée que l'art doit avoir une conscience, une fonction sociale. Les artistes vont se dire, ce regard sur l'autre, on peut nous aussi le poser, le partager, et des artistes vont se mettre à enquêter, à collecter des choses, des objets, des artefacts, mais aussi à collecter de l'immatériel, hein, des coutumes, des sons, des choses en train de disparaître, et à les amener au musée. Mais ce musée a une typologie très particulière, notamment en France, avec le Musée national des arts et traditions populaires. Eh bien, ce musée où tous les objets du quotidien, en quelque sorte, se retrouvent enfermés dans ces vitrines, avec cette muséographie sur fond noir, sans aucun mannequin, tout est suspendu au fil de nylon, va être d'une très grande inspiration pour les artistes. Il y a quelque chose de presque surréaliste, hein, dans ces vitrines. Et on se rend compte, là aussi, que c'est un autre point commun entre folklore et l'art d'avant-garde, c'est cette idée de muséifier du vivant, de réussir à capter quelque chose de cette chose vivante, de cette chose immatérielle, pour la montrer dans un contexte muséal. Et ainsi de suite, on a pu comme ça trouver différentes typologies de liens entre art et folklore. Jean-Marie Gallet, vous parlez de surréalisme et d'après-guerre. Évidemment, cela nous conduit vers André Breton. Et oui, parce que il y a un moment aussi important dans l'histoire du folklore, en tout cas du folklore exposé ou du folklore regardé du point de vue de l'artiste. C'est la salle de superstition à l'exposition internationale du surréalisme. C'était en 1947. Et je vous propose d'écouter, lu par Olivier Martineau dans le cours de l'histoire sur France Culture, un extrait d'un texte, Le sel répandu, de Benjamin Perret, à propos de cette exposition internationale du surréalisme en 1947. Les superstitions chez les peuples évolués constituent l'unique lueur poétique de ces peuples dans la nuit accablante d'une existence de bêtises et d'ennuis. Par suite, on peut, puisque des superstitions anciennes cèdent chaque jour le pas à d'autres, en proposer de nouvelles, substituant celle dont la vertu d'exaltation est épuisée. Rien n'interdit de penser qu'elles aideront l'homme à sortir de son enfer. Exemple. Laisser les armoires ouvertes porte bonheur. Donner à ronger au chien les dents arrachées porte bonheur. Garder l'arête de la première sardine qu'on mange dans l'année pour être sûr de ne pas avoir d'ennui d'argent. Formuler un vœu en voyant battre un prêtre, détourner la tête en passant devant un bateau lavoir sous peine de malheur, clouer des hosties dans sa salle de bain pour s'attirer la chance, arracher un crin au cheval qui hennit porte bonheur. « Olivier Martineau qui lit un texte de Benjamin Perret sur le surréalisme en 1947 à propos de l'exposition internationale du surréalisme avec André Breton. Nous voyons ici qu'il y a un regard porté sur le folklore après la Seconde Guerre mondiale qui obligatoirement a évolué suite à ce que la politique, l'idéologie a fait du folklore, que ce soit le nazisme, mais en fait dans tous les pays qui ont connu la volonté d'imposer une identité forte du pouvoir, le folklore a été utilisé. On ne peut plus, quand on est artiste, considérer le folklore de la même manière avant et après la Seconde Guerre mondiale. Absolument. Et le folklore va être à ce moment-là, d'ailleurs c'est le moment où dans la langue française, le terme est totalement banni de la sphère scientifique en tout cas. Alors non seulement pour les raisons idéologiques dont vous parlez, mais aussi parce que la sphère scientifique, depuis le congrès international de folklore de 1937 qui se tient à Paris, qui est un congrès où se cristallise la lutte entre les tenants d'un folklorisme à l'ancienne, si l'on peut dire, et les tenants d'une discipline moderne et scientifique avec beaucoup plus de rigueur et de méthode, qui vont plutôt s'appeler des ethnologues, des ethnographes. Lors de ce congrès de 37, eh bien, il y a aussi une autre lutte qui apparaît, c'est celle de se dire si on veut que la discipline devienne une science, il faut abandonner ce mot de folklore beaucoup trop connoté par cet amateurisme des premiers folkloristes. Mais évidemment, c'est ensuite à la fin de ces années 30 et puis évidemment pendant la guerre et l'occupation pour la France, les récupérations idéologiques qui vont totalement ternir l'image du folklore. Alors, les artistes se trouvent parfois eux-mêmes un peu au milieu de cette histoire, ne sachant plus trop comment se comporter. Alors, il y a un cas qui est étudié par Marie-Charlotte Calafat dans l'exposition qui est assez fascinant, c'est René-Yves Creston. Donc nous sommes à nouveau en Bretagne, une grande terre de folklore. René-Yves Creston est l'un des pionniers avec Jeanne Malivelle d'un mouvement qui s'est appelé Art Seisbreur, les sept frères, un mouvement de renouveau de l'art décoratif qui s'appuie sur des motifs traditionnels bretons. C'est notamment à la grande exposition des arts décoratifs de Paris en 25, c'est leur grand succès. Et puis peu à peu, sa carrière d'artiste va devenir une carrière de folkloriste aussi. Et dans ces années-là, le folklore se retrouve en eau trouble, si l'on peut dire, passant en quelques années de l'idéologie finalement d'extrême gauche ou du Front populaire à l'idéologie de Vichy et du maréchal Pétain. Et Creston se trouve entre ces deux extrêmes et lui, à un moment, écrira « Nous sommes par essence au-dessus des partis, nous devons servir l'art et la pensée bretonne uniquement. » Suivant ce précepte, il se retrouve à la fois inculpé pour action de résistance et en même temps, il va ensuite participer à des émissions de radio qui sont totalement soumises à la propagande allemande. On sent qu'il se retrouve un peu perdu. Comme plusieurs artistes, dans cette période où le folklore est un sujet pris en otage, en quelque sorte. Le maréchal Pétain fait éditer des images d'Épinal, encore un autre domaine de l'ordre du folklore. On a dans la collection du Mucem, y compris, on retrouve ces objets qui témoignent de cette histoire, qui sont rarement exposés aussi. Il y a ces liens entre le folklore et cette période sont étudiés depuis récemment seulement, les années 80. Auparavant, c'était assez occulté. Et dans cette confrontation entre artistes, folklore et puis politique, il y a le cas Brancusi qui nous conduit en Roumanie avec Maria Tanase qui chante, alors qui inspire Brancusi, mais qui pose un problème parce que Brancusi est accusé de détourner le folklore par la garde roumaine. Donc nous sommes dans un schéma complexe où l'artiste s'inspire du folklore, mais il est accusé de détourner ce folklore. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Să mergi să turne mattine lume sore lume un sole sa se crepine și păhăruțul de mine lume sore lume poate scândura lume, sore lume. Când vor băga în mormânt și noi mai fi pe pământ, lume, sore lume. Ca-și așa-i lumea trecătoare. Unul naște, altul moare, unul naște, altul moare, lume, sore lume. Necăjește, îl de moare putrezește, lume, soră lume. Maria Tanezé dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Nicolas Delmas. Dites-nous, Jean-Marie Gallet, nous nous intéressons aujourd'hui au folklore à l'occasion de l'exposition au Centre Pompidou-Metz Folklore. Cette relation complexe entre les artistes, la politique et le folklore concerne directement Brancusi. Brancusi est en fait obligé par sa démarche même de prendre position. Toucher au folklore peut poser problème, même si l'artiste ne le veut pas. Oui, alors, c'est Maria Tanazé qui a ses problèmes de censure avec la Garde de Fer, et c'est à elle, en tant que chanteuse populaire, que l'on reproche de trop transformer le folklore et de le dénaturer en le rendant populaire au sens de musique pop de l'époque, hein, si on peut dire. C'est dans ce sens-là qu'elle aura ses problèmes de censure. Du côté de Brancusi, c'est bon, il a une histoire très complexe aussi avec les pouvoirs roumains, mais c'est assez différent. Et c'est surtout la lecture de l'œuvre de Brancusi après, et y compris encore dans les décennies après-guerre, qui est assez intéressante, puisqu'on se rend compte que il y a une sorte de querelle. La Roumanie veut absolument montrer que cette puissance de la sculpture moderne que Brancusi trouve, eh bien, il y trouve ses racines en regardant le folklore roumain, et donc des études vont mettre en avant que la colonne sans fin correspond exactement aux portes de ferme sculptées dans sa région de l'Olténie, que l'oiseau mythique Maiastra, qui est une des sculptures, un des chefs-d'œuvre absolus de la sculpture de Brancusi, est relié à ce conte roumain. De l'autre côté, des historiens de l'art, disons plus neutres, qui vont se dire, Brancusi regarde quand même aussi beaucoup du côté de l'Afrique, et il crée une sorte de synthèse. Donc c'est là où on voit aussi que la politique peut parfois s'emparer de la lecture d'une œuvre, en l'occurrence ici celle de Brancusi. La vérité étant probablement plutôt au milieu, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment Brancusi affirme sa passion pour le folklore roumain, que ce soit le folklore donc musical. Il dit « Ah Maria, pour chacune de tes chansons, j'ai le mal du pays et je voudrais sculpter une maiastra, donc cet oiseau fantastique roumain. Dès que j'entends les quelques notes, j'ai envie de retourner au pays, de redevenir tailleur de pierre pour les paysans et sculpteur sur bois pour les fermes roumaines. Donc il assume totalement cette nostalgie aussi liée à l'exil. Ça, c'est une question importante. Beaucoup d'artistes de l'avant-garde sont des artistes en exil qui ramènent quelque chose de leur pays aussi dans leur modernité, qui a lieu souvent à Paris puis à New York. Ça, c'est un autre aspect assez important. Voilà, Brancusi va donc se nourrir de tout cela, mais il va confronter cette vision à ce qu'il a vu aussi de l'art africain, qui le fascine également, et en faire une synthèse. Et ce qui est très beau, c'est qu'il relie quelque chose de très ancestral, de très ancien, à quelque chose d'extrêmement moderne. Sur une ligne de temps, il serait vraiment au milieu, pouvant circuler, lui, dans le présent, mais circule en allant puiser des choses dans le passé pour amener de la sculpture du futur. Et ça, c'est quelque chose de très beau. Il dira, moi, avec mon nouveau, je viens de quelque part de très, très ancien. Et je crois que tout est dit dans cette phrase de cette circulation dans le temps que permet le folklore aux artistes. Jean-Marie Gallet, dans le cours de l'histoire, évidemment, nous nous intéressons à l'histoire, c'est-à-dire au temps. Le temps est notre matière et avec le folklore, nous touchons à quelque chose d'essentiel. C'est ce passé, alors ce passé souvent fantasmé parce que les traditions ont une histoire et elles évoluent, mais il y a vraiment toujours quelque chose qui nous relie au passé avec le folklore et qui nous plonge dans le présent. Alors ce présent peut prendre une forme un peu nostalgique, mais c'est quelque chose de constant en fait. Ce rapport au temps, cette émotion, quand nous approchons à un objet d'art populaire, il y a ce côté non datable aussi qui nous touche beaucoup. Et les artistes ont été inspirés également par ça. C'est cette profondeur du temps. Absolument. Et on trouve plusieurs artistes de générations, de contextes très différents qui vont tous exprimer à leur manière cette idée du rapport au temps. Alors, l'un des plus exceptionnels, c'est Joseph Beuys, donc grand artiste allemand de l'après-guerre, qui va faire de son travail vraiment un acte politique. Il se présente comme un artiste guérisseur de la société, chaman de la société. Et pour cela, il va beaucoup puiser dans le folklore de ce qu'il appelle l'Eurasie, qui devient son vrai terrain d'étude juste après la guerre. Et Joseph Beuys dira « Dans le folklore, je vois une forme de compréhension pour le futur ». Et il va même l'opposer à la mythologie antique d'ailleurs. Il dit que dans le folklore, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant. Et quand on pense que Joseph Beuys est l'un des initiateurs finalement de l'art de la performance, alors même s'il y a évidemment une sorte de pré-performance avant. Joseph Beuys, c'est l'un des grands artistes de la performance au XXe siècle. Il y a cette idée d'un retour au rituel qui est totalement signature, si l'on veut, de son œuvre, avec cette idée qu'après guerre, il faut que une sorte de renaissance, de régénération ait lieu. Joseph Beuys va décider d'exposer dans une étable dès 1953, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi de se dire que cette question par rapport au temps, cette question, cette sorte de retour au folklore, de quête d'une source, peut être fantasmée, sans doute avec une très grande part de fiction, ça c'est certain, mais néanmoins cette quête d'origine, elle arrive régulièrement, un peu comme un cycle. Dans le monde de l'art, à partir du moment où il y a comme un doute sur la civilisation. Donc en l'occurrence, l'après-guerre est cette grande période de doute sur la civilisation. Le groupe Cobra aussi aura cette même réflexion à ce moment-là. Peut-être d'ailleurs que c'est aussi un sujet d'actualité avec la crise que nous traversons, justement de se poser cette question de ce rapport, de ce retour aux sources aujourd'hui. Ah bah oui, les gens se mettent à refaire du pain. Donc nous retrouvons des gestes ancestraux. Mais il y a un paradoxe, Jean-Marie Gallet. Nous entendons ce retour au folklore, surtout dans les périodes de crise. Et après la Seconde Guerre mondiale, c'est tout à fait le cas. Et nous évoquons des gens comme Brancusi, comme Joseph Beuys, c'est-à-dire des artistes qui magnifient le folklore au moment même où le folklore devient figé sous sa forme touristique. Je vous propose la farandole touristique à l'occasion du centenaire de Mireille, une farandole touristique. Les premières cigales et toutes les cloches du pays provençal répètent à l'envi que nous vivons l'année Mireille. Vous ne l'aviez pas oublié. Aussi, chaque manifestation folklorique, annoncée par les tambourins de la renommée, attire-t-elle un grand concours de peuple. Ce fut le cas pour la 7e farandole touristique qui s'est déroulée le 7 juin sur l'eau, sur terre et dans les airs. Farandole touristique dans l'émission Reflet de Provence, le 9 juin 1959. Dites-nous, Jean-Marie Gallet, le folklore a cela de très particulier que lui-même devient modifié sous le regard des artistes, sous l'action des artistes, pour en faire d'autres œuvres. Et vous nous avez évoqué toutes ces synthèses entre plusieurs traditions, plusieurs folklores, ce qui est pris par des artistes comme Brancusi. Puis, il y a le folklore qui est réinventé, qui est imaginé pour en faire l'attraction touristique, mais qui est malgré tout une autre création. Qui est une autre création et sur laquelle, alors là on parle de l'art d'aujourd'hui, les artistes aujourd'hui vont s'amuser, ils vont s'en amuser, ils vont porter un regard assez critique et subversif aussi sur ces choses-là et sur la question de l'authenticité, qui est une question assez centrale. Et dès le moment où le mot folklore est créé, la question de l'authenticité, de l'ambiguïté de l'authenticité est présente, c'est-à-dire, on en a parlé, à partir du moment où des folkloristes commencent à collecter, normer des choses qu'ils voient, qu'ils entendent, qu'ils vont recueillir, collecter, eh bien, une part de fiction, une part d'invention est certainement présente. Et les artistes contemporains vont notamment regarder cela avec beaucoup d'attention. Alors, il y a le cas dans l'exposition, c'est une œuvre des collections du MUCEM, d'un artiste albanais qui s'appelle Endri Dani. Et en Albanie, il y a cette tradition de petites statuettes en terre cuite, peintes avec les costumes traditionnels, qui est une tradition extrêmement connue, et notamment la diaspora albanaise généralement a dans l'appartement quelque part cette petite statuette qui rappelle le pays. C'est vraiment l'objet que l'on ramène aussi si l'on est en vacances en Albanie. Et Endri Dani va exposer certaines de ces statuettes qu'il a achetées, mais il va, dans une petite performance qui est filmée sur un écran à côté, il va effacer avec du papier de verre, il va poncer systématiquement les costumes, et il efface en fait ce qui pour lui n'est pas authentique, ce qui pour lui n'a rien à voir avec ce qu'est l'Albanie, et il expose finalement juste de la terre cuite, des figures de personnages en terre cuite qui ont été effacés, leurs vêtements ont été effacés, il ne reste plus que la terre, la seule chose qui soit véritablement qui vienne avec certitude d'Albanie, le costume étant lui probablement une fiction, une synthèse, quelque chose de l'ordre de l'invention. Plus politique, on a aussi une artiste activiste dans les années 70 en Islande qui s'appelle Rúri. Et Rúri va, lors d'une action publique, revêtir un costume fait du drapeau américain, mais avec la coupe du costume traditionnel islandais. Et tout est dans le titre de cette performance qui s'appelle « Une proposition pour changer le costume national islandais afin qu'il soit en adéquation avec la politique islandaise culturelle actuelle ». Et c'est une dénonciation de l'allégeance à l'État américain dominant, voisin. Donc il y a des réactions d'artistes à différentes époques à cette idée du faux, à cette idée des paradoxes, des ambiguïtés de ce folklore. C'est le cas notamment aussi en Suisse d'une artiste comme Mélanie Manchot qui va simplement poser sa caméra dans un petit shop de photos pour touristes. On est au pied de la montagne, mais on est dans un décor de montagne artificielle dans le studio, peint, imprimé, et des quarts entiers de touristes passent et deviennent suisses pendant 30 secondes en portant le costume, en portant le corps des Alpes dans la main. Et on entend juste la construction de cette image. On entend le photographe dire un peu à droite, un peu à gauche, souriez. Non, le costume se porte plutôt comme ça, l'instrument plutôt comme ça. Et on voit le monde entier devenir suisse 30 secondes pour la photo. C'est aussi le plaisir de ces expositions qui relient l'art et l'histoire de l'art, c'est aussi de l'histoire, c'est qu'il y a un écho extrêmement contemporain, et c'est le cas pour l'exposition Folklore au Centre Pompidou-Metz. Nous partons fin 18e, enfin le romantisme, et puis nous traversons tout le 19e et nous croisons Gauguin, et nous arrivons au 20e siècle, et nous arrivons en fait aujourd'hui, parce que les artistes très contemporains s'emparent toujours du folklore. Est-ce qu'il y a la conscience d'un retour du folklore après avoir été il faut de lire un tantinet moqué, le folklore c'était pas rigolo quoi, quel folklore, et puis un peu méprisé, ethnographe, art et tradition populaire était au-dessus du folklore. Aujourd'hui, il y aurait-il un retour du folklore, un retour en grâce? Alors en fait, ce que montre l'exposition, je crois, c'est que finalement, il a presque toujours été là. Depuis la création du mot, les artistes s'en sont toujours emparés. Maintenant, si on parle d'aujourd'hui, il y a eu des moments, notamment il y a une dizaine d'années, où on voyait effectivement plusieurs artistes concomitamment s'intéressaient à ce domaine du folklore. Alors, de là à dire que c'est un trait majeur de la culture contemporaine, pas forcément. Néanmoins, le folklore pour les artistes, c'est cette sorte de réserve d'énergie créative. Hein. C'est-à-dire, ils ont une définition bien différente de la définition plus politique, de cette définition qui a amené aux récupérations. Pour eux, c'est donc ce moyen de voyager dans le temps. Un moyen de donner une expérience à vivre, d'un retour au collectif, un retour au local, sans technologie, ce qui rend aussi ce domaine assez attractif, justement. En même temps, il y a ils sont aussi les témoins de cette folklorisation du monde. Il y a une artiste qui s'appelle Bertille Bach, qui réalise un très beau triptyque vidéo. Là aussi, tout est dans le titre, je crois. Ça s'appelle Usine à divertissement. Et ça montre comment, justement, ce folklore a été totalement manipulé, et est devenu cette usine à divertissement, justement, pour le touriste. Donc, les artistes ont toujours eu, ce regard, qu'il soit un regard plus critique ou, au contraire, un regard plus neutre dans le sens où c'est un vivier de forme, etc. Mais ils ont en tout cas, ils sont les défenseurs, je crois, d'une définition du folklore qui justement échappe à ces récupérations et qui permet, c'est aussi un des buts de cette exposition, de le regarder autrement, d'essayer d'échapper à ce sort finalement assez malheureux qui est arrivé à cette discipline et à ce mot, et d'y trouver quelque chose d'autre, d'y trouver quelque chose de beaucoup plus positif que ce que l'histoire a voulu laisser croire. Regarder autrement, c'est toujours très difficile, mais c'est ce qui est le plus passionnant. Merci beaucoup Jean-Marie Gallet de nous avoir parlé du folklore. Merci. Et dites-nous, cette exposition au Centre Pompidou-Metz, une exposition qui a été un peu perturbée, il faut le dire, par la crise sanitaire, peut être vue, hein, parce que elle se prolonge. Alors, c'était jusqu'en septembre? Il y a encore plus maintenant. Alors, c'était jusqu'en septembre, ce sera jusqu'au 4 octobre. On espère pouvoir ouvrir les portes du musée dès qu'on aura l'autorisation de la préfecture, probablement mi-juin. Et puis, l'expo est visible après au MUCEM à Marseille, à partir du 4 novembre et jusqu'au 21 février. Merci beaucoup. De Metz à Marseille, le folklore. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscan-Dudès, Marion Dupont, Camille André, Camille Rijade, une émission dont la programmation est assurée par Amélie Perrault. Demain, direction Orléans, à la rencontre de Jean-Marie Delaperche, un artiste face aux tourments de l'histoire. Et oui, il est né sous Louis XV, il est mort sous Louis-Philippe, mais entre les deux, il y a la Révolution, l'Empire et la Restauration. À demain.